Chapitre 2. Je dois dire tout d'abord que la vue des objets nouveaux qui s'offrirent à moi captiva toute mon attention et me fit oublier la souffrance que j'éprouvais. Nous nous trouvions sur cette magnifique promenade qu'on appelle les boulevards de Paris, et Maxime y rencontrait à chaque pas des personnes de sa connaissance et quelques jeunes gens de ses amis s'extasièrent en me voyant parer son habit et le complimentèrent fort à ce sujet tout en lui demandant plaisamment par quelle main féminine je lui avais été offerte. Après que Maxime eut parcouru le boulevard, il se dirigea vers une maison située non loin de là. Il monta un étage, et la porte de l'appartement qu'il occupait s'ouvrit. En rentrant chez lui, je remarquai de suite une magnifique jardinière toute remplie de fleurs. Le plaisir de rencontrer plusieurs de mes semblables me fut bien sensible. De plus, j'en tirai un bon augure. La présence de fleurs chez Maxime témoignait de son goût pour elle, et je ne doutais pas qu'il ne me conservât. Cependant, tout en faisant ces réflexions, je n'étais pas sans crainte sur mon sort futur. Je me sentais malade. La fatigue, le défaut d'air, la séparation de moi-même avec la tige qui m'avait élevé et me reliait à mon père et à mes sœurs, tout cela commençait à agir profondément sur moi et me faisait perdre ma fraîcheur. Je ne sais si Maxime s'en aperçut, mais il se hâta de prendre un long vase de cristal rempli d'eau, en versa dans une coupe profonde et plaça dans cette coupe toute la partie inférieure de mon feuillage. Je sentis un bien-être extrême à me rafraîchir dans cette eau pure et limpide, et je ne tardai pas à reprendre complètement mes sens. Dès ce moment, je regrettai moins le jardin que j'avais quitté, et je me mis à examiner attentivement mon nouveau possesseur, supposant, selon toute probabilité, que j'étais destiné à faire un long séjour avec lui. C'était un jeune homme de 25 ans environ, de haute taille, portant sa tête régulièrement belle, avec une exquise élégance. Ses traits annonçaient l'insouciance de la jeunesse, mais sur son front un peu pâle se lisaient les traces d'une vie de plaisir et de folie. En somme, c'était un garçon de bonne mine et doué d'avantages physiques, mis en relief par la distinction de ses manières. Il paraissait attendre quelqu'un, et après avoir allumé un cigare, dont la fumée dorée s'enroulait en longue spirale dans les boucles de ses cheveux noirs, il se jeta sur un divan en regardant fréquemment le cadran d'une pendule placée sur une riche cheminée et en frappant du pied avec l'impatience d'un homme qui n'est pas habitué à attendre. « Elle ne viendra pas !» s'écria-t-il. « Elle devrait être ici !»« Allons, je me suis trompé. Niais que je suis !» Et il se leva et se promena de long en large avec une agitation toujours croissante. Croyez donc aux promesses des femmes, comme Ernest va se moquer de moi. » Et Maxime, emporté par un mouvement de colère, saisit une petite tasse de Chine placée sur un guéridon et la jeta avec force sur le tapis qui garnissait la pièce où il se trouvait. Le bruit d'une sonnette fit cesser tout à coup son emportement, et il se précipita au devant d'une jeune femme qui entra souriante. « Maria, je commence à craindre que vous ne vinssiez pas, » dit Maxime, en enveloppant la jeune femme d'un regard passionné. « Et vous avez eu tort, » lui répondit celle-ci, « je vous avais promis, et ce que je promets, je le tiens, » ajouta-t-elle avec un charmant sourire. Maxime la fit asseoir près de lui. « Et pourquoi, Maxime, supposiez-vous que je ne viendrai pas ? Savez-vous, mon très cher, que c'est fort mal ? Que voulez-vous, Maria ? On vous a vu hier encore à l'opéra, dans la loge du petit baron de Vaux. Et tenez, ce que je vais vous dire est bien banal. « Bien bourgeois, je suis jaloux de ce maudit baron. »« Je suis jaloux de ce maudit baron. » »« fit Maria en éclatant de rire. « D'honneur, il est charmant. »« Comment, Maxime, vous, un des lions de Paris, vous êtes jaloux ?»« Je l'avoue, » dit Maxime. « Mais vous le savez, Maria, je vous aime et... »« Tenez, mon cher, » interrompit Maria, « ma voiture est en bas. Faites sceller votre cheval et accompagnez-moi au bois, car je vois que vous avez le spleen. » Et j'ai horreur du sentiment. Maria, y pensez-vous déjà partir? Eh bien, quoi de plus naturel? Ah ça, mon bon, auriez-vous l'intention d'en user avec moi la mode turque? Je vous préviens, cela ne peut me convenir. J'aime l'air, la liberté, le mouvement. Allons, dit-elle, en donnant à sa voix une intonation plus douce et plus harmonieuse. Je passerai la soirée toute entière avec vous si vous êtes sage. J'obéis, dit Maxime, nous irons au bois. « Puisque vous le voulez. » Il sonna pour qu'on scelle à son cheval. En écoutant ce dialogue, Je me rappelais la conversation que j'avais entendue le matin même entre Maxime et Aurélie, et sans comprendre pourquoi, cette femme, qui parlait devant moi un langage si absolu, me parut si différente d'Aurélie que je déplorais instinctivement l'ascendant qu'elle paraissait exercer sur Maxime. Maria, tout en causant, promenait son regard investigateur tout autour d'elle. Soudain, elle m'aperçut. « Quelle jolie rose que vous avez là, mon cher. Je me l'offre. » Et en disant cela, elle avança la main pour me saisir. « Je vous en prie, » lui dit Maxime, « laissez-la-moi. »« Oh oh !» reprit Maria. « D'où nous vient donc cette charmante fleur pour y tenir autant ?»« D'une femme, sans doute. Eh bien, tant pis. » Et elle s'empara de moi. Ah, « vous recevez des fleurs, beau ténébreux. Eh bien, c'est du joli. » Mais se tourne au berger. Eh bien, que je la rencontre ici, cette belle inconnue, je lui arrache les yeux. Je vous assure, monsieur, ah, j'y suis, c'est de quelque petite pensionnaire. N'importe, cette rose, je la veux et je la garde. Maria, c'est assez. Cette fleur vous plaît, elle est à vous. N'êtes-vous pas la maîtresse ici? À la bonne heure, vous voilà raisonnable. C'est comme cela que je vous aime. Maxime entoura la taille de la jeune femme de son bras et l'attirant vers lui, effleura de ses lèvres son cou blanc comme celui d'un cygne. Au même instant, un valet entra et annonça que le cheval était sellé. Maxime présenta sa main à Maria et tous deux descendirent.